Je suis un roi fainéant, accoutumé à l'oisiveté, tempérament nonchalant, j'applique à moindre frais ma vitalité. Pareil à un lézard au soleil, je suis parallèle à l'horizon. Je ne bouge pas une oreille, j'ai opté pour l'inaction. Dormir, sommeiller, somnoler ne sont que de nobles noms. Tel mon démon, Belphégor, je ne suis bien que quand je dors. J'ai l'art de faire croire que je m'active jusqu'au soir. Mais le fait de faire semblant n'est pas les plus reposants. Dormir, sommeiller, somnoler ne sont que de nobles mots. Tel mon démon, Belphégor, je ne suis bien que quand je dors. Sommeiller, somnoler ne sont que de nobles noms. Tel mon démon, Belphégor, je ne suis bien que quand je dors. Je me complais dans la paresse, le travail n'est pas fait pour moi. Je donnerai tout pour une sieste, la seule chose qui me met en émoi. Dormir, sommeiller, somnoler ne sont que de nobles noms. Tel mon démon, Belphégor, je ne suis bien que quand je dors.